Adieu mes amis, nos chemins vont se séparer. Adieu mes amis, mais nos cœurs vont se retrouver pour s'élever vers la lumière qui brille au royaume de mon Père. Adieu mes amis, on en a fait des choses ensemble. Adieu mes amis, une dernière fois je vous rassemble pour communier comme des frères et nous unir dans la prière. Du ciel d'azur de Galilée, je garderai le souvenir et de nos rêves de vérité, un chant d'espoir pour l'avenir. Buvez ce vin, il est mon sang. Mangez ce pain, il est mon corps. Pour vous voici venir le temps de la souffrance et de la mort. Adieu mes amis, nos chemins vont se séparer. Adieu mes amis, mais nos cœurs vont se retrouver pour s'élever vers la lumière qui brille au royaume de mon Père. Adieu mes amis, parmi nous s'est glissé un traître. Aussi cette nuit, le Fils de Dieu va disparaître. Et je vous lave avec mes larmes, déjà l'eau de l'âme réclame. Le sel des vagues de la mer morte, avec vos rêves je les emporte. Et j'en ferai un voile immense pour effacer vos défaillances. Les océans de la tristesse ne combleront jamais le vide. Souvenez-vous de ma promesse, de cette flamme qui vous guide. Adieu mes amis, à notre Dieu je vous confie.